une douce et Dédina Forest, y'a une rio qui raja, Dédina Forest, y'a une rio qui raja, aïe mama, c'est sa bièce, comme l'on rio fasier en veg, aïe mama, c'est sa bièce, comme l'idjen si souré campa, vous lien tout croupard, la terre et lisa aubré, vous lien tout croupard, la terre et lisa aubré, aïe mama, c'est sa bièce, comme l'on rio fasier en veg, aïe mama, c'est sa bièce, comme les gens si souraient qu'un part, vous lien tout coupard. Dédin l'oboscadji, vous lien tout coupard. Dédin l'oboscadji, aïe mama, c'est sa bièce, comme l'ouri ou fasier en veg. Aïe mama, c'est sa bièce, comme les gens si souraient qu'un part, vous lien à sécar. L'ouri ou sauvage, vous lien à sécar. L'ouri ou sauvage, aïe mama, c'est sa bièce, comme l'ouvri ou fasier en veg. Aïe mama, c'est sa bièce, comme les gens si souraient qu'un pas. Vous bien assez car l'ouvri ou sauvage. Vous bien assez car l'ouvri ou sauvage. Vous bien assez car l'ouvri ou sauvage. Vous bien assez car l'ouvri ou sauvage. Vous bien assez car l'ouvri ou sauvage. L'ouri ou sauvage, aïe mama, c'est sa bièce, comme l'ouri ou fasier en veg. Aïe mama, c'est sa bièce, comme les gens si souraient qu'un pas.